Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans l'émission la soprano Mary-Lee Jacquier. Bonjour Mary-Lee. Alors, on vous avait accueilli il y a à peu près un an pour parler de vos projets, etc. Et vous nous aviez dit que vous aviez justement en perspective un disque déjà, vous y pensiez. Et ce disque, bah justement, il est sorti il y a quelques semaines. Un disque qui a pour titre « Reflet d'en haut ». Alors, pourquoi ce titre, Mary-Lee ? Bonjour Thierry, merci beaucoup de me recevoir de nouveau ici. Alors, pourquoi ce titre « Reflet d'en haut » ? Bah, tout simplement, on a rassemblé plusieurs thèmes, la nature, les fleurs, les oiseaux, les prières, la nuit, la lune, les étoiles, les rêves et bien sûr l'amour qui est très très souvent présent dans la musique. Et tout ça, ça nous faisait penser à tous les reflets qu'on peut voir d'en haut. Voilà. Ouais, alors c'est un programme très très éclectique, hein. Ouais. Très éclectique, on passe de Gounod à Grieg, de Grieg à Glinka, de Glinka à Bellini. Alors comment avez-vous sélectionné ce programme ? Et puis alors je précise aussi qu'il y a des compositions de votre complice, la harpiste Kenoul Amirova. Oui, exactement. Donc on l'a choisi à partir de pièces qui étaient déjà interprétées par la harpe. Et la voix, comme par exemple Ave Maria de Gounod, on connaît bien, et aussi la Villanelle, même si ça a été écrit pour piano, ça a été interprété par la harpe et la voix. Et puis, on a voyagé à travers des... On a voulu justement faire quelque chose d'éclectique, donc on a pris des leaders, des mélodies françaises, des airs d'opéra, que forcément on a dû arranger, parce que c'est prévu pour orchestre et voix. Bah, oui. Et du coup, elle assume la partie orchestrale entièrement. On a aussi fait des clins d'œil à nous-mêmes, nos origines, des langues qu'on parle. Oui, parce qu'on va préciser que vous êtes sud-africaine et votre complice et amie est originaire de l'Azerbaïdjan, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc, même nous-mêmes, on est assez, on peut dire, éclectique, notre duo. Donc voilà, donc, c'était un mélange tout en restant dans ce thème, mais en prenant des pièces qui déjà peut être jouées à la harpe, peut être accompagnées par la harpe, et qui mettaient en valeur la harpe et la voix, pour nous en tout cas. Eh bien, on va s'en rendre compte tout de suite avec justement cette Ave Maria de Charles Gounod, inspirée pour le début en tout cas, du premier prélude et fugue du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, la voix de Mary-Lee Jacquier, accompagnée à la harpe par Kenoul Amirova. Thank you. célébrissime Ave Maria de Charles Gounod, interprété par Mary-Lee Jacquier soprano, Kenou Lamirova à la harpe, et donc extrait de cet album Reflet d'en haut. Mary-Lee, je le disais hors micro, mais c'est vrai que c'est presque un tour du monde cet album-là. Et alors moi, ce qui m'a surpris, c'est que vous chantez en norvégien, la chanson de Solveig, extrait de Peer Gynt de Grieg. Ça doit pas être évident quand même de chanter dans cette langue. Justement, on l'a inclus aussi, tout d'abord parce qu'elle est tout simplement sublime, mais parce que c'était un clin d'œil à la Norvège, à la langue, parce que je parle norvégien, parce que j'ai vécu là-bas, c'est là-bas que j'ai rencontré mon mari aussi, donc c'est un pays bien sûr que j'affectionne beaucoup, donc c'était un grand plaisir de pouvoir inclure cette pièce dans l'album. Ouais. Alors donc vous êtes sud-africaine, on l'a dit. Il y a des compositeurs sud-africains que vous aimeriez chanter. Écoutez, j'affectionne beaucoup ma langue maternelle, donc qui est l'afrikaans. Alors c'est une langue jeune dans le sens où il n'y a pas de répertoire, beaucoup de répertoire classique, mais il y a beaucoup de répertoire de musique que j'aimerais chanter. Qui sait, un jour, j'espère vraiment, ouais. Parce que c'est une langue peut-être jeune, mais une langue qui s'exprime beaucoup par les images, ouais. Par les images et par les expressions. Mmh. Et ça, c'est quelque chose de très riche. Et c'est quelque chose, du coup, que je trouvais un peu dans les poésies, en tout cas, des mélodies françaises, ce côté imagé. Mmh. Donc, voilà, j'espère vraiment un jour pouvoir vous proposer quelque chose. Quelle est la place un peu de la musique classique en Afrique du Sud? Parce qu'on a toujours l'impression que l'Afrique, finalement, il n'y a pas grand-chose dans ce domaine. Il y a quelques orchestres symphoniques, mais on a l'impression que c'est quand même assez faible, la présence du classique dans ces pays. Oui, bon, la présence, plus maintenant, c'est plus faible, mais c'est vrai que la culture vient de d'ailleurs. Il y a plus d'influence rythmique, de musique très, très libre, d'improvisation, quelque chose que... Voilà, qui est justement moins dans le monde classique, ouais. Mais que je pense que c'est très important d'être inspiré de ça, parce ouais. qu'il y a une liberté totale d'expression que ces personnes ils ont, et de chanter en voix sans jamais préparer, avec un rythme absolument parfait, parce que c'est inné. Donc voilà, on a beaucoup à apprendre, et bien sûr, on peut aussi apporter le côté... classique monde, le monde classique aussi, et du coup faire des mélanges formidables. Alors Mary-Lee, comment avez-vous découvert votre voix? Vous étiez instrumentiste avant? Vous avez étudié un instrument de musique particulier? Oui, j'ai commencé le violon très jeune, à 4 ans. Et vous en jouez encore? Pardon? Vous en jouez encore un petit peu? Oui, j'en joue encore pour le plaisir. D'accord. J'ai également commencé le piano vers 5 ans, mais j'ai toujours chanté, et j'ai commencé à chanter dans un chœur d'enfants international vers l'âge de 7 ans. Et ça m'a beaucoup formée, parce qu'on répétait très intensivement, et c'était un vrai plaisir. Ça m'a beaucoup formée, et du coup vite c'était la voix qui... J'ai continué les instruments jusqu'à mes 18 ans, jusqu'au bac, mais c'était la voix qui était le premier amour. C'était là où j'arrivais à le mieux m'exprimer, avec le plus d'aisance, le moins de trac. Donc c'était une évidence pour moi. Voilà. Bien sûr. Puis on écoute ce disque, on se dit vraiment, vous avez une voix absolument sublime, hein, c'est extraordinaire. C'est très gentil. Parce que d'un répertoire à l'autre, comme je le disais, c'est peut-être un répertoire, un programme un peu monocolore, dans le sens où il y a beaucoup d'œuvres mélancoliques, nostalgiques, mais très cohérents en même temps, je trouve. Parce qu'on écoute ce disque, on sent la variété des œuvres, mais en même temps, il n'y a pas de transitions qui paraissent vraiment violentes ou trop brutales. On passe d'un univers à l'autre, mais avec une certaine cohérence, je trouve, dans ce programme. Oui, c'est sûr que je pense que si le type de voix et l'instrument fait que c'est ces couleurs qui reviennent, mais ouais. Voilà. Donc on va écouter la chanson de Solveig, extrait du Peer Gynt d'Edvard Grieg, chantée en norvégien, s'il vous plaît, je ne pense pas que ce soit très fréquent, hein, par Mary-Lee Jacquier, et puis à la harpe, toujours Kenoul Amirova. Thank you. Remarquable chanson de Solveig tirée du Peer Gynt de Grieg et magnifiquement interprétée par Marie-Lise Jacquier, soprano, et sa complice Kenoul Amirova, harpe et compositrice aussi. Alors comment avez-vous rencontré Kenoul? Parce que on connaît l'association habituelle, la voix, le piano, mais alors la voix et la harpe, c'est quand même assez rare, non? Alors on s'est rencontrés lors d'un projet de composition contemporaine où on était toutes les deux interprètes pour le coup. Ouais. Dans la classe de composition au conservatoire de Metz. Et voilà, on s'est croisés une première fois comme ça, une deuxième fois. Et à l'époque, je ne savais pas en fait qu'elle était compositrice elle-même aussi. Mmh. Et après ça, elle m'a contactée pour me demander si elle pouvait m'écrire une pièce pour ma voix. Écoutez, moi je trouve qu'il n'y a pas de cadeau plus beau que ça. Donc bien évidemment, j'ai dit oui. Et en même temps, en parallèle, en fait, j'avais en tête de tester un duo avec harpe parce que ma voix est plutôt légère, c'est un soprano lyrique légère, avec ses couleurs flottantes, etc. Mm-hmm. Donc, je voulais tester et au final, bah, l'occasion s'est présentée à ce moment-là et c'était un pur bonheur dès le début. Donc... Et alors, vous avez appelé ce duo Rescordis. Oui, c'est ça. Pourquoi? Alors, le duo Rescordis, ça vient de Resonantia Cordis. Resonantia, c'est résonance du cœur. Ah. Et on l'a raccourci. Mmh. On trouvait les résonances de la harpe, les résonances de la voix qui vient du cœur. Ben, oui. Et on trouvait que ça nous ressemblait très bien. Et ça ressemble très bien aussi à votre programme. Je trouve qu'il y a question beaucoup d'amour dans ce programme. Voilà. Beaucoup de chansons d'amour, nostalgiques, un peu nostalgiques, mais ouais. Pas toujours l'amour heureux, hein, puisqu'il voilà. Y avait l'air de Pamina dans La Flûte enchantée. Bon, alors on va écouter un peu de Debussy, parce que je vous ai demandé de choisir quelques œuvres que vous aimez particulièrement. Et là, vous venez de me dire que finalement, bah, vous aviez pris conseil aussi, non pas pris conseil, mais vous aviez sollicité votre amie, donc la harpiste Kenoul Amirova, pour lui demander justement d'un programme qui pourrait compléter compléter la présentation de ce disque. Et vous avez choisi du Debussy, de la harpe justement, danse sacrée, danse profane. Alors, on va retrouver la harpe dans sa splendeur. C'est d'ailleurs une œuvre assez étonnante parce qu'elle a été commandée parce que la maison Pleyel voulait construire une nouvelle harpe qui n'a pas eu de succès. Alors, Debussy a fait des danses pour harpe sacrée profane et Ravel, de son côté, a fait l'introduction et Allegro pour la concurrence, pour Erard. Comme quoi, des fois, parfois, la concurrence commerciale peut amener des choses absolument géniales. Exactement. Bon, on écoute un petit peu cette danse profane de Debussy avec la harpe de Lisa Velbaum et puis l'orchestre de Cleveland dirigé par Pierre Boulez. Ben, c'est son anniversaire. Bon anniversaire, Boulez. Thank you. Danse profane tirée des danses de Claude Debussy avec Lisa Velpaume à la harpe et l'orchestre de Cleveland, direction Pierre Boulez, toujours en compagnie de Mary Jacquier, soprano, qui vient nous présenter l'album qui vient de paraître, remarquable album, intitulé Reflet d'en haut, avec la harpiste Kenoul Amirova, qui est également compositrice. Alors, donc, Mary Lee, Kenoul, elle a une écriture musicale qui vous convient parfaitement. Alors là, pour le coup, oui. Ouais. Ce qu'elle m'avait proposé, c'est, je trouve ça magnifique. Bon, je laisse les auditeurs en être, voilà, choisir pour eux-mêmes. Mais moi, pour ma part, c'était un vrai bonheur de pouvoir chanter cette pièce qu'elle a composée. Mmh. Ouais. Et donc, c'est une artiste qui vient d'Azerbaïdjan, on l'a dit tout à l'heure, et qui a eu une belle carrière musicale déjà dans son pays, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Donc, Kenoul, elle est née à Bakou, en Azerbaïdjan. Mmh. Elle a commencé par le piano. Et vers 13 ans, elle s'est tournée vers la harpe. Elle est venue en France, en fait, pour faire son master au conservatoire de Metz. Et puis, elle était de retour à Bakou, où elle est devenue soliste dans l'orchestre symphonique de son pays. Ouais. Et en 2019, elle s'installe définitivement en France, pour poursuivre, entre autres, ses études de composition. Et aujourd'hui, elle est prof de formation musicale au conservatoire de Metz. Ah oui. Voilà. Et en fait, elle a une écriture musicale accessible, vraiment tonale. Hein. Il n'y a d'expérimentation dans la musique. Voilà. Son style, c'est plutôt quelque chose d'accessible, comme vous dites. Qui est nourri des compositeurs français. Oui, et beaucoup de son pays aussi. Des sonorités... Et on retrouve ces mêmes... Enfin, moi qui la connais bien maintenant, j'entends son style. D'accord. Donc, et on va préciser aussi qu'il y a des... je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais qu'il y a des vidéos disponibles sur YouTube où on vous voit justement chanter toutes ces œuvres. Oui. C'est remarquablement bien filmé, remarquablement bien fait. Merci. Ça a été beaucoup. Filmé en Alsace, hein, c'est ça, non? Non, là, on l'a filmé à Gorze. Ah, parce qu'il y avait des vignes. J'ai vu des vignes, me semble-t-il. Voilà, c'était au domaine des Béliers, qui est juste à côté de Gorze. Justement, on s'est amusé, à amener la harpe dans les vignes, parce qu'on voulait faire quelque chose qui était intemporel, qui avec cet Ave Maria. Donc, il y a une partie qui est filmée dans l'église de Gorze et une partie qui est filmée dans les vignes. Et on a été ravis par cette expérience avec Alicia. C'était vraiment une très belle expérience et on est aussi ravis du résultat. Donc voilà, disponible sur YouTube. Ouais, ben on va écouter donc cet Ave Maria, composition originale de Kenoul Amirova, avec la voix de Mary Jacquier, et donc la compositrice qui vous accompagne. Je crois que ça pourrait faire un tube, hein, ça. C'est vraiment une musique très belle, très accessible, et qui pourrait vraiment satisfaire, séduire beaucoup de gens, je pense. Hein. Merci beaucoup. Allez, on l'écoute tout de suite. Merci. Thank you. Alors, superbe Ave Maria de Kenou Lamirova, chantée par Mary-Lee Jacquier, soprano, et la compositrice qui vous accompagne à la harpe. Alors ça, à mon avis, ça va faire un carton. Hein. Il faut envoyer ce disque partout, Mary-Lee. Je pense que ça va vraiment vous faire connaître. Et puis en plus, il faut faire connaître cette musique. Merci beaucoup, c'est très gentil. On va essayer. On va essayer. Bon, on va écouter un autre extrait quand même, encore un extrait de ce superbe disque. Et là, on va partir vers l'opéra. Alors justement, je me demandais tout à l'heure, on en parlait, mais vous semblez être un petit peu spécialisé sur la mélodie, le lead. Est-ce que l'opéra vous intéresse? Est-ce que vous avez l'impression que votre voix déjà est faite pour l'opéra? Alors c'est vrai que je me sens plus à l'aise et plus de pouvoir apporter quelque chose dans la musique de chambre. Ouais. Par les couleurs, justement, et par le texte. C'est surtout ça qui m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai que l'opéra, ça dépend des opéras, bien sûr, c'est avec un orchestre. Donc, ce n'est pas le même expérience. Ouais, il faut rapport, projeter ouais. la voix au-dessus de l'orchestre. Donc, on peut dire, on peut prêter moins d'attention au texte et aux nuances, aux couleurs que dans la musique de chambre. Mais incarner un rôle comme ça sur scène, ça doit être quand même pour une chanteuse, ça doit être jubilatoire quand même. Ah oui, absolument. Quels sont les rôles que vous auriez aimé, que vous aimeriez interpréter? Parce que ça va peut-être venir. Hein. Mais effectivement, Mozart, Pamina. Mm-hmm. J'ai parlé de Pamina, il y a bien sûr Susanna. Mozart est, je trouve, vraiment faite pour ma voix, enfin que j'ai la voix pour. Et c'est sûr que avec une mise en scène comme ça, c'est un autre côté de la chanteuse lyrique et c'est quelque chose que j'aime énormément et qui du coup, pour le coup, n'est pas présent dans la musique de chambre Ouais. parce qu'on est plutôt en récital ou ouais, oui, voilà. Vous êtes une instrumentiste en quelque sorte. Voilà. Quelles sont les chanteuses éventuellement qui vous ont influencé ou qui continuent de vous influencer, de vous fasciner? Alors, il y en a beaucoup, mais j'aime énormément Lisette Oropesa, une chanteuse américaine cubaine. Mm-hmm. Fatma Saïd, qui est égyptienne. Bien sûr, les grandes chanteuses, Callas, Montserrat. Je me disais, elle ne va pas citer Christa Louzvi. Quand même, Elisabeth on ne peut pas passer à côté. Ouais. Non, il y en a beaucoup que j'écoute, ça m'inspire énormément. Bon, on va vous écouter dans Mozart et peut-être qu'on aura l'occasion de vous voir et de vous écouter en même temps prochainement à l'opéra. La flûte enchantée, vous avez choisi l'air de Pamina. Je crois qu'on n'a jamais aussi bien chanté le désespoir amoureux. Hein. Oh, non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est un air d'une tristesse infinie. C'est vrai. Mais très beau, vrai. Très beau, comme évidemment. Très, très beau. Belle. Mozart, hein. Donc extrait de cette flûte enchantée, l'un des tout derniers ouvrages du maître. On retrouve Mary-Lee Jacquier, soprano, Kenoul Amirova à la harpe. Oh, très belle version, très belle interprétation de cet air fameux de Pamina tiré de la flûte enchantée du divin Mozart avec Mary Lee Jacquier soprano, Kenou Lamirova harpe et composition arrangement, parce que je suppose que c'est elle qui a fait les arrangements, alors c'est ça? Oui, c'est bien ça. Ouais. C'est bien ça. Et puis une prise du son remarquable, hein, franchement, parce que c'est pas évident d'enregistrer l'équilibre, la balance entre la voix et l'harpe quand même. Oui, merci beaucoup. Oui, effectivement, c'est un, comme on appelle ça, un enregistrement live. C'est-à-dire que on a deux micros, bien sûr, mais moi je suis dans le son du micro de la harpe et inversement. Mmh. Donc on l'a enregistré dans un dans une chapelle à Gorze. Ouais, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, oui. Et voilà, c'est une expérience, mais c'est une très belle expérience et on était ravis du studio Ampère, Jean-Pascal Beaufaux, qui nous a enregistré. C'était une très, très belle expérience. Il y a un relief sonore magnifique. Hein. Alors, on va écouter maintenant Karl Orff, parce que vous avez eu envie d'écouter les Carmina Burana. Je pense qu'on ne va pas les présenter. Tout le monde connaît. C'est aussi connu que la petite musique de nuit et de Mozart ou la chevauchée des Valkyries de Wagner, mais qu'on aime toujours réentendre. Hein. Qu'est-ce qui vous touche dans cette musique, Mary Lee? Oh, c'est une musique sublime. Je pense que si c'est un tube, c'est pas pour rien. Hein. Ça touche. Ouais. Ça touche. Mais j'aime aussi beaucoup cette petite partie d'ultissimo au milieu, planant comme ça, avec la voix de soprane. Oui. Forcément. Et voilà. Donc je vous laisse l'écouter. D'accord. Ben, je vais quand même modifier la plage parce que j'avais pas prévu de passer cette partie-là. Mais voilà. Bon, on va rectifier tout de suite. On va l'écouter. Donc la conclusion. On peut dire des Carmina Burana de Karl Orff avec le chœur et orchestre philharmonique de Berlin, enfin le chœur de la radio de Berlin, dirigé par Simon Rattle. Thank you. Bon, ben là, on fait plaisir à beaucoup de monde. Hein. Les Carbunia Burana, très appréciés. Spectaculaire, la version de Simon Rattle, avec le chœur de la radio de Berlin, l'Orchestre Philharmonique de Berlin, Sally Matthews, soprano, le choix de mon invité, Mary Jacquet, soprano, qui est venue nous parler de son disque paru. Il n'y a pas d'éditeur, si? Il y a un éditeur pour ce disque, Mary? Non, c'est vous. C'est vous. Mais magnifique objet, hein. Vous avez vraiment fait un beau travail de présentation autour de la pochette. Une belle illustration. Ça s'appelle donc Reflet d'en haut. Donc, on va écouter encore un autre extrait de ce disque, Skylark. C'est une œuvre que je ne connais pas, de Johnny Mercer, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est un standard de jazz. Ouais. Et c'est Kenul qui l'a arrangé. Oui, il fallait oser, hein, quand même. Oui, oui, exactement. Ouais. Et on a pris ce risque, on va dire. Aussi, c'est la dernière piste, donc c'est un clin d'œil à ce qui va suivre, peut-être, parce qu'on a des projets à venir, ouais. Des disques qu'on voudra faire, et justement s'orienter vers la musique de film, ouais. Comédie musicale, parce que les standards de jazz, après tout, souvent, ça venait des comédies musicales, et des compositions par Kenul. Et là, on trouve un petit peu ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, puisque vous venez d'Afrique du Sud, où les chanteurs, les artistes sont moins étiquetés qu'en France. On passe peut-être plus facilement du classique au jazz, du jazz à la comédie musicale et à la musique de film, non, j'ai l'impression quand même. Oui, c'est peut-être ça, c'est peut-être exactement ça, parce que je trouve pas qu'il faut se priver, parce que la musique, il y a plusieurs variétés de musique qui sont absolument magnifiques, et de s'inspirer de toutes ces sources, je trouve que ça peut juste apporter quelque chose, tout en respectant les styles, bien sûr. Alors, on va écouter ce morceau, Skylark, de Johnny Mercer, je ne sais pas si je prononce bien son nom, avec Mary Lee Jacquet, soprano, et à la harpe jazzy, hein, pour le coup, Kenul Amirova. Toujours un extrait de ce disque Reflet d'en haut, le duo Rescordis. Journey. Skylark de Johnny Mercer, une chanson de jazz qui figure sur ce programme du disque du duo Rescordis, Marie-Louis Jacquet, soprano, Kenou Lamirova à la harpe. Et ça, c'est la dernière pièce du disque. Et c'est bien parce qu'on se dirait, on pourrait croire que du jazz, ça va casser l'ambiance de l'ensemble du reste du programme, qui est quand même assez éthéré, onirique. Pas du tout. Ça termine agréablement, un programme qui est agréable d'un bout à l'autre, mais voilà, il y a des transitions qui se font naturellement jusqu'au bout. Merci beaucoup. C'est voulu, c'était, je pense. Oui, c'était l'idée, donc merci. Voilà. Donc, on va passer à autre chose. On va écouter encore un extrait, parce qu'on a encore un peu de temps. Villanelle. Alors là, c'est une mélodie d'une compositrice anglaise, apparemment. C'est, donc, qui s'appelle Eva Delacroix. Moi, je ne connais rien d'autre d'elle que cette Villanelle qui a été enregistrée par beaucoup, beaucoup de chanteuses. Et c'est dommage parce que ça a l'air quand même intéressant ce qu'elle a fait. Hein. Ah oui, elle est magnifique la pièce, oui. Ouais. Avant d'écouter cette pièce, Mary-Lee, est-ce que vous avez des projets de disques et de concerts prochainement? Oui, donc on sera en concert le 12 avril, le ouais. samedi 12 avril à Dorlisheim, justement avec ce programme. Mmh. Et à la fin du mois d'avril, je serai en concert avec une pianiste et amie. Leslie Cassie, je serai à Novion au Pré le week-end. Mais pas de disque à l'horizon pour l'instant, pas d'autre. Si, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Vous avez déjà travail. Des idées quand même ou déjà... Si, mais on ne le dévoile pas tout de suite. Bah, vous avez raison. On mais garde enfin, bon. Le suspense. Voilà, il faut toujours avec Kenou Lamirova. Donc. Oui, ouais. Toujours avec Kenou Lamirova. Voilà. Oui. Et puis donc aussi de ces répertoires que vous aimez particulièrement, comme la musique française. Hein, Poulain, que vous avez chanté aussi beaucoup. Oui, bah, toujours Edith les Piaf. Mélodies. Et même Edith Piaf. Oui, et même Edith Piaf, donc qui sait. Bon, on va écouter donc cette chanson, cette mélodie Villanelle d'Eva Delacroix, chantée par Marie-Louis Jacquier, et puis à l'harpe, toujours Kenou Lamirova, est toujours extrait de ce disque Reflet d'en haut. On le trouve comment d'ailleurs? On profite pour le dire tout de suite, hein, on le trouve facilement ou pas? Oui, c'est disponible en ligne et on peut le trouver sur mon site web qui est tout simplement marilyjacquier.fr. Et on peut le commander en ligne. Voilà. Bon, on écoute tout de suite cette Villanelle de Delacroix. Delacroix. Elle allait attirer tout le monde. Magnifique pièce donc d'Eva Delacroix qui s'appelle Villanelle, très souvent enregistrée par les chanteuses. Et là, c'était l'interprétation de Mary Lee Jacquet, soprano, Kenou Lamirova à la harpe pour ce magnifique disque Reflet d'en haut. Et bah, j'espère qu'il va avoir beaucoup de succès. Il faut, hein, Mary Lee, il faut vraiment pousser les portes et essayer de le présenter un peu partout pour encore plus vous faire connaître. Bon, vous êtes connu dans la région, mais... Vous faire connaître au niveau national, il faut y aller. Hein. Merci, merci, on va essayer. On va essayer, oui, parce que c'est vrai que c'est un disque quand même remarquable et qui mérite une reconnaissance, une vraie reconnaissance. Bon, en tout cas, merci d'être venu dans l'émission nous présenter votre album. Et puis, on va vous suivre. N'hésitez pas à nous communiquer, bien sûr, les infos pour la suite de vos aventures musicales. Merci beaucoup, en tout cas, Mary Lee. Et on se retrouve demain à partir de 11h. Pour une nouvelle émission de Discothèque Classique. Bon samedi à toutes et à tous et à demain !